ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bienvenue dans une nouvelle édition de Vous êtes libre ce soir sur Radio Béton 93.6 pour parler de culture libre et de bien d'autres choses libres. Et cette semaine, on a l'honneur d'accueillir Pierre-Yves Gosset, qui est permanent du réseau Framasoft. D'abord, Pierre-Yves, peux-tu nous résumer qu'est-ce que Framasoft ? Alors, bonjour à tous. Donc Framasoft, c'est un réseau de sites web. C'est-à-dire qu'on monte différents sites web pour faire la promotion du logiciel libre et maintenant, de façon un petit peu par extension, de la culture libre. D'accord, donc sur ce site, il y a plusieurs projets. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes, les grands projets de Framasoft ? Ouais, alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on est un réseau de sites plus qu'un seul site web. Alors historiquement, il y a le site framasoft.net qui est le canal historique de Framasoft. Donc c'est en fait un annuaire de logiciels libres. Donc c'est quoi un annuaire de logiciels libres? C'est tout simplement un petit peu les pages jaunes du logiciel libre. Mais au lieu de chercher un plombier ou un coiffeur, on va aller chercher plutôt un logiciel de retouche d'image, on va aller rechercher un logiciel de comptabilité. Et nous, le travail qu'on a historiquement dans Framasoft, c'est de repérer ces logiciels libres et les marquer sur le site de façon à ce que le public puisse trouver les logiciels qui correspondent à ses besoins. Donc ça, c'est le premier site qui a été créé en 2001 et qui aujourd'hui continue de vivre, puisqu'il y a aujourd'hui 1500 logiciels référencés dans Framasoft. Et comme on avait envie de créer un petit peu d'autres projets autour de cet annuaire, on a créé d'autres sites, chacun avec ses spécificités. Donc, par exemple, il y a le projet qui s'appelle Framaki, donc le site s'appelle framaki.org, comme qui, comme clé, qui est un projet, en fait, qui est un site qui propose de mettre des logiciels libres sur clé USB, de façon à ce qu'on puisse les utiliser directement depuis la clé USB, comme si ils étaient installés sur le disque dur. Donc, l'intérêt, c'est pour l'utilisateur qui va se balader d'ordinateur en ordinateur, par exemple, quand on va dans un cybercafé ou quand on part en vacances. Tout simplement d'avoir ses logiciels sur soi dans une clé USB plutôt que de se trimballer un ordinateur qui pèse plusieurs kilos. On a un troisième site qui s'appelle Framabook, framabook.org. Et donc là, l'idée, c'est un petit peu de transposer dans le monde physique ce qu'apporte le logiciel libre et la philosophie du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on édite une collection de livres qui est elle aussi sous licence libre, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire avec ces livres les mêmes choses qu'on a le droit de faire avec un logiciel libre. Notamment, on a le droit de les photocopier, on a le droit de les copier, on a le droit de les télécharger, on a le droit de les échanger, on a le droit de les partager avec les autres, etc. Donc on a aujourd'hui 6 ou 7 livres dans la collection Framabook. Et on a aussi d'autres sites, dont un des plus connus aujourd'hui est sans doute le Framablog, donc qui est en fait tout simplement un blog d'information autour du logiciel libre et de la culture libre. C'est-à-dire qu'on va parler cette fois-ci un petit peu plus de citoyenneté, un petit peu plus d'éducation, etc., plus que de logiciel, au sens vraiment technique du terme. Donc là, on se pose vraiment les questions sur qu'est-ce que la culture libre interroge dans notre société actuelle. Donc voilà, et à côté de ça, on a évidemment encore un forum, on a un site qui recense un petit peu des idéaux autour du logiciel libre, etc. Voilà, donc il y a une demi-douzaine de sites aujourd'hui dans Framasoft. Et pour information, et derrière, une toute nouvelle boutique qui nous permet de vendre justement les clés USB, les DVD qu'on fait, toujours dans l'optique de pouvoir toucher un public aussi large que possible, parce qu'on sait que c'est difficile de pouvoir forcément télécharger un DVD, ça peut être long, quand on n'a pas de connexion Internet, etc. Donc là, vous pouvez les acheter à 2 €. On essaye de faire les prix vraiment les plus bas possibles et de rentrer un petit peu sur ce marché physique et de ne pas rester que dans le virtuel. Merci pour cet exposé assez complet. Juste un petit point sur Framabook. Pour l'instant, vous en êtes à 5 livres, c'est bien ça ? Ouais. Il paraît qu'un sixième est prévu, qui est une biographie sur Richard Stallman, un informaticien dont on avait déjà parlé. Et ça devait sortir selon ce qui était dit au rencontre mondiale du logiciel libre pendant l'automne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour l'instant, on a officiellement 5 livres dans la collection Framabook. Il y en a un 6e qui est un peu caché pour l'instant et qu'on va remettre en valeur bientôt, qui est en fait une bande dessinée, c'est les Geek Scott. Donc c'est une petite bande dessinée autour du livre qui est faite par Noyan, qui est quelqu'un qui vient de Wikipédia. Donc la plupart des planches tournent autour de Wikipédia et c'est très très humoristique. Et effectivement, on a le septième Framabook qui devrait sortir normalement. Il va être annoncé le 12 janvier et il devrait être chez tous les bons distributeurs à partir du 21 janvier. Et le principe, donc là, il s'appelle d'ailleurs biographie Richard Stallman, une biographie autorisée, parce que la particularité de ce livre. Et d'avoir d'abord ça a été écrit par un journaliste américain qui l'avait publié et puis Richard Stallman avait dit bon il y a quand même des choses qui ne plaisent pas beaucoup dans cette biographie mais elle était déjà parue et il avait par contre demandé à ce que la biographie soit sous une licence libre et donc nous ce qu'on a fait c'est que à travers un groupe de travail qui s'appelle Framalang qui est un groupe de traducteurs au sein de Framasoft. On a décidé de reprendre cette traduction, de faire une traduction de cette biographie. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Richard Stallman lui-même est venu participer à la réécriture de cette biographie. Donc c'est pour ça qu'on l'a intitulé un peu biographie autorisée. C'est un cas assez particulier du coup, puisque la licence libre nous autorisait à faire une traduction, qu'on trouvait que c'était quand même dommage de ne pas faire participer le sujet central de cette biographie à l'œuvre elle-même et on lui a demandé au départ juste de valider certains points et en fait il s'est vraiment pris au jeu, il a réécrit de nombreux passages qu'on a quand même tous validés derrière, c'est pas non plus une hagiographie du tout et voilà donc normalement le livre sortira bientôt et pour nous c'est assez symptomatique justement de ce que permet une œuvre libre. Même quand c'est pas un logiciel, c'est-à-dire que là, si le livre n'avait pas été sous licence libre, on n'aurait jamais pu en faire une traduction collective comme on l'a faite. Et voilà, et normalement, donc le livre sera publié aux éditions Erol fin janvier. D'accord, ouais. Voilà, je crois que c'est important de souligner que c'est un livre qui est traduit de façon collaborative. Alors, sinon, ce qu'on se demandait aussi, c'est toi, Pierre, tu es permanent de Framasoft. Quel est ton intérêt pour le libre et comment t'en es arrivé là en fait ? Alors, j'ai dû voir la lumière un jour et je suis resté. On s'est dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je me souviens assez bien de la première fois où je me suis intéressé au logiciel libre. Je travaillais en fait, j'étais objecteur de conscience dans l'université qui m'avait formé. C'était du temps où on faisait encore l'armée. Et arrivé cette nouvelle chose un peu bizarre qu'on appelait Internet, et on m'avait demandé à l'époque de créer des sites web. Bon, je connaissais un petit peu le HTML, etc., mais il y avait ce qu'on appelle, ce qu'aujourd'hui tout le monde connaît comme étant PHP, qui est un langage de programmation, et qui permettait de faire des sites web dynamiques. Donc pour moi, ça me permettait de gagner beaucoup, beaucoup de temps dans la création des sites web de la fac, et je me suis aperçu que ces sites web, on pouvait les télécharger vides, on va dire, on pouvait télécharger le squelette vide du site web gratuitement, et on disait, au lieu de dire que c'était juste gratuit, on disait ce logiciel est un logiciel libre. Et ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce donc qu'un logiciel libre ? Et en fait, en creusant, j'ai compris que c'était des logiciels qui étaient rédigés à plusieurs mains, que les gens mettaient à disposition et qu'on allait pouvoir améliorer. Et donc ça a été une première prise de conscience qui a été suivie très rapidement d'une deuxième prise de conscience parce que j'ai rencontré des problèmes en installant ce logiciel parce que je savais pas du tout comment ça fonctionnait, etc. Et je suis allé poser des questions sur le forum du logiciel, donc un endroit où on va échanger ces trucs, astuces, ces problèmes et conseils. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que j'ai posé une question, ça devait être on va dire à 14h. À 14h15, j'avais une réponse. Et qui était très clair, de quelqu'un que je connaissais absolument pas, et qui répondait à mon problème de façon complètement bénévole et désintéressée. Et je me suis aperçu que cette personne, en plus, était comptable de formation. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un comptable à venir répondre à une question d'un parfait inconnu sur un forum. Et c'est là que je pense que j'ai compris quel était l'intérêt du logiciel libre, c'est qu'il redonnait un petit peu du sens et de la valeur finalement aux connaissances que chacun pouvait avoir. C'est-à-dire que j'avais pas payé pour poser ma question, j'ai pas payé pour avoir une réponse. La personne qui m'a donné la réponse n'a pas été, elle, rémunérée, mais elle l'a quand même fait parce que elle a sans doute été elle-même aidée à un moment, et du coup, elle s'est sentie poussée volontairement, je vais dire contrainte, mais heureusement non, on n'est absolument pas obligé de répondre, mais elle s'est sentie poussée à répondre pour tout simplement pour rendre ce qu'on lui avait donné à un instant. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que moi, j'ai commencé à répondre aux questions d'autres personnes, et voilà, et du coup, j'ai commencé beaucoup à faire de plus en plus de développement de logiciels libres, et je me suis pas arrêté quasiment depuis ce moment-là, même si à côté de ça, je pouvais avoir un métier qui n'avait pas grand-chose à voir avec le logiciel libre à l'époque, mais j'ai continué du coup à participer, tout simplement parce que je trouvais que c'était très valorisant de pouvoir aider d'autres personnes, tout simplement. D'accord, très très très bien, bonne arrivée au libre. Donc, Framasoft a embauché un permanent, c'est-à-dire toi-même, il y a, je crois, pas loin d'un an. Ça fait même plus longtemps que ça, je suis salarié depuis avril 2008 en fait. Ah oui, bon. Et pourquoi Framasoft, association loi 1901, voilà, a-t-il besoin d'un salarié? Tout simplement parce que le fait d'être un réseau de sites web a des implications en termes de charge de travail qu'on n'avait pas bien anticipé au départ. C'est-à-dire que, évidemment, Framasoft, c'est un réseau de sites contributifs, on encourage tout le monde à participer. Mais du coup, on a donc 6 ou 7 gros sites qui font en gros, au total, plus d'un million de visites par mois. Et derrière, il y a facilement une douzaine d'autres sites que les gens ne voient pas forcément, qui nous permettent soit de gérer les projets, soit de gérer... de servir de laboratoire, on va dire. Et du coup, pour maintenir tout ça, techniquement, il faut du temps, il faut des gens qui soient réactifs. Donc moi, auparavant, je faisais ça en même temps que je travaillais, c'est-à-dire de temps en temps, je voyais un mail qui tombait, j'essayais de répondre aussi vite que possible, mais ça posait quand même pas mal de problèmes derrière. Donc tout simplement, il faut quelqu'un, un, pour gérer la technique, deux, pour gérer tout ce qui est contact, etc., puisqu'on a beaucoup de questions, on a même des demandes d'interview, c'est le succès et la gloire assurée. Sur toutes les radios du monde, exactement. Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, le président de Framasoft, Alexis Kaufmann, il est prof de maths à Rome. Le trésorier, il est à Paris. On a le secrétaire de Framasoft qui est prof de ski. Donc on a des métiers qui sont assez divers et variés, et surtout on est dispersé géographiquement et c'est un petit peu compliqué. C'était très compliqué de gérer ça sur notre temps bénévole, et on s'est dit à un moment qu'il fallait tout simplement avoir quelqu'un pour maintenir tout ça. Voilà. Donc maintenir de la cohérence et mettre de l'huile et être réactif. Donc c'est à ça que je sers. D'accord. Donc sinon, une autre question qu'on avait, c'était justement les sources de financement. Je sais qu'il y avait une campagne de dons. Est-ce qu'on considère qu'elle a bien marché ou que les gens ont mis longtemps avant de donner quelques pauvres sous? Ou il y a aussi l'histoire de la publicité sur le site qui fait un peu débat. Est-ce qu'on accepte la publicité ou pas? Alors, nous, la publicité, ça a été une nécessité à un moment donné, puisque c'était à l'époque où j'étais pas encore salarié et qu'il nous fallait de l'argent, et que, comme on est une association très virtuelle, on n'est pas sur un territoire, c'était difficile d'aller voir le maire du coin ou le conseiller régional du coin et lui dire « Bonjour monsieur, on voudrait de l'argent », puisque la question qui suit, même si elle n'est pas tournée comme ça, c'est très bien, mais combien est-ce que vous me rapportez des lecteurs ? Jusqu'à présent, on n'arrivait pas à répondre à cette question, puisque nous, on touche toute la francophonie, donc y compris d'ailleurs le Québec, la Belgique, la Suisse, des pays d'Afrique francophone. Et donc c'était un petit peu compliqué. Et du coup, on avait mis de la publicité pour mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui a permis d'amorcer la pompe pour pouvoir embaucher un premier salarié. Et ça permet pas de payer un salarié à temps plein. même si on fait beaucoup de visites, voilà, parce que nous, on ne souhaitait pas avoir non plus transformé Framasoft en guirlande de Noël avec plein de pubs partout. Et on souhaiterait s'en débarrasser de cette pub, qui nous convient quand même pas trop. Et donc, on a décidé de lancer en 2009 une campagne de noms qui, effectivement, nous, on estime qu'elle a très bien marché, puisqu'on visait un objectif, on s'était dit, oula, si on fait 20 000 euros de dons, on sera super content. Et on a réussi à faire, donc aujourd'hui, on est presque à 45 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est la diversité des dons, c'est-à-dire que ce sont quasiment que des dons particuliers. On a peut-être trois entreprises qui nous ont donné de l'argent, mais autrement, ça vient vraiment donc de 1600 particuliers différents qui ont estimé que ce qu'on faisait était intéressant et que ça méritait d'être continué. Et voilà, donc aujourd'hui, la principale source de financement de Framasoft, ce sont les dons, ce qui n'est pas gagné dans cette période de crise et de morosité, mais on est content de pouvoir dire qu'il y a une forme comme ça de société de la contribution qui existe, et que les gens voilà, sont pas forcément insensibles au fait qu'il y ait des espaces d'expression partage qui existent sur Internet. Alors, merci beaucoup, Pierre-Yves Gosset, de nous avoir répondu. Je pense qu'on a encore beaucoup de questions à poser, et donc ce qu'on propose, c'est une prochaine interview qui sûrement sera diffusée la semaine prochaine. Et donc, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette interview sur Framasoft. Alors, merci beaucoup et puis au revoir. Merci à vous.